d'entre les morts est une célébration populaire et à la fois incroyablement mal comprise. Populaire parce que presque nous tous, nous avons 4 jours de vacances. Ben, qui ne veut pas quelque chose où on a 4 jours de repos? Mais certaines personnes d'entre nous ont plus de vacances que d'autres, si j'ai bien compris. Chanceux. Écoute, il y a la bouffe. Sandy me disait que cette semaine, à Accroche, qu'est-ce que les enfants attendaient de Pâques? Chocolat. Voilà, voilà. Mais en même temps, cette célébration est souvent très mal comprise. Des fois, nous allons entendre parler de la résurrection de cette façon. C'est une façon métaphorique, symbolique, de parler de la victoire de Jésus-Christ. Donc, la résurrection est devenue simplement un symbole, une métaphore. Ou d'autres personnes vont dire que si nous lisons ces récits, et souvent ils entendent les mythes ou la mythologie, et ils disent, et vous allez comprendre la présence spirituelle de Dieu dans votre vécu. Et on a réduit la résurrection au chocolat, le congé, un mythe ou une présence symbolique dans nos vies. D'un côté, il est presque normal qu'il y ait tant de confusion, parce que même dans le texte que nous allons lire ce matin, le texte déborde de confusion. Et comme nous allons voir tantôt, imaginez, les tombeaux sont ouverts, il y a les fantômes qui marchent dans les rues, il y avait des tremblements de terre, et même selon le texte, il y en avait deux. Il y avait des soldats qui avaient l'air d'être des zombies. Il y a les pots de vin en dessous de la table. Et on dit, il y avait autant de confusion dans le texte qu'il y a aujourd'hui. Mon but ce matin, c'est très simple. Moi, j'aimerais essayer de démêler la confusion. De quoi s'agit-elle, cette résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts? En guise de préambule, permettez-moi juste de mentionner 3 ou 4 choses qui sont intéressantes dans le texte avant de faire 2 choses. Tout d'abord, j'aimerais examiner la confusion qui se trouve dans le texte. Et par la suite, j'aimerais apporter où il y a vraiment une clarté, un éclaircissement, une ouverture dans ce texte, pour que nous puissions bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ a été crucifié, enterré, enlevé, et qu'il a repris vie dans son corps comme le Dieu vivant pour l'éternité. De quoi s'agit-il? Ce enlèvement, d'avoir repris la vie dans son corps. Mais voici 2 ou 3 choses qui sont intéressantes, juste contextuellement. Tout d'abord, il y a un tout petit mot que nous allons étudier à la fin du texte. C'est une conjonction. Maintenant, mon but ce matin n'est pas de revisiter notre grammaire de langue française, mais il y a juste pour vous rappeler. Pour vous, les vieux comme moi, qu'est-ce que c'est qu'une conjonction? OK, en français, il y a « de »,« à », »,« mais », »,« quand », »,« cependant ». OK, ça, c'est les conjonctions. Il y a une conjonction dans ce texte qui est utilisée, croyez-le ou non, 6 fois. Mais cette conjonction dans la langue de ce texte est intraduisable. Et on ne le voit pas. Moi, je vais essayer de le traduire lorsqu'on arrive à la fin. Une deuxième chose comme préambule. La résurrection pour les premiers chrétiens n'était pas un acte de confusion. Pour tous les autres, les soldats, les gens dans la ville, les grands de Manitou religieux, il y avait la confusion en masse, okay, à un tel point où ils ont essayé de réarranger les faits. Mais les premiers chrétiens, comme Matthieu, lorsqu'ils ont écrit, tout d'un coup, ils ont compris quelque chose. Cet événement qu'ils ont vécu, que nous célébrons aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, faisait partie de ce qui a été raconté dans l'Ancien Testament. Et à un moment donné, c'est comme ils se sont réveillés et ils ont dit, « Ben voyons donc, ce que Ézéchiel a décrit en Ézéchiel 37, ce que Daniel racontait en Daniel 12, ça, c'est ça. » Et ils se sont, ben, comme on dit en bon québécois, ils ont cliqué. Parce que tout d'un coup, ils ont compris que Dieu qui avait dit, « Si vous ne m'obéissez pas, si vous n'êtes pas attentif à ma parole, si vous ne pratiquez pas de façon journalière ma parole, je vais vous envoyer en exil. Vous allez vivre la honte de la diaspora, de la dispersion. » C'est exactement ce qui est arrivé au temps de Ézéchiel et Daniel. Les Juifs ne se trouvaient plus en Palestine, ils se trouvaient éparpillés dans le monde. Et à l'époque de Matthieu, 90% des Juifs vivaient hors pays. Et ce n'était pas simplement un acte d'être une réfugiée. Ils ont compris, ils vivaient exactement ce que Dieu a dit. Mais Dieu a dit qu'il y aura un Juif fidèle, un Israélite qui allait être fidèle à la parole. Et lui, il allait prendre l'exil, la diaspora sur lui. Et lui, il allait absorber toute cette honte sur lui. Et par sa vie, vous allez trouver la vie. Donc, cet événement, ce texte, est l'accomplissement et la fin de l'exil. Chaque fois qu'on étudie, et voici ma dernière réflexion préliminaire, ce qui est fascinant dans les quatre récits de la résurrection, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il y a une structure qui est quasi identique. C'est ça qui m'affascine avec les évangiles. Pendant 30 ans, 32 ans de la vie de Jésus, raconté par les quatre évangélistes, il y a une variété d'histoires. Il y a même des fois, on dit, ben, est-ce que tous les quatre ont vu le même événement? Qu'est-ce qui se passe? Mais lorsqu'on arrive pour la dernière semaine, tous les quatre sont d'accord sur presque tous les faits. Mais lorsqu'ils arrivent pour la résurrection, la structure du récit est identique. Il y a un tombeau vide, il y a une apparition, et ensuite, il y a un mandat qui est donné à cause de cette apparition. Donc, ce matin, j'aurais pu choisir Marc, Luc ou Jean. J'ai opté pour Matthieu, et providentiellement, Michel avait opté pour le même texte et on ne s'est pas parlé. Et sans blague, j'exagère pas. Et parce que la structure est identique. Ceci étant dit, commençons avec la confusion qui est dans le texte avant d'examiner la façon que la résurrection a éclairé, est un éclaircissement, qu'il y a une clarté qui a été amenée à cet événement. La confusion se trouve même dans le mot « résurrection ». Quand les Grecs ont parlé de la vie après les morts, ils ont parlé de l'immortalité de l'âme, de la vie intérieure. J'allais expérimenter une vie après la mort, mais dans mon esprit, dans mon être intérieur, mon âme. Les Juifs, quand ils ont parlé de la vie après la mort, ils ont parlé de tout le monde, la collectivité juive. Donc, le mot résurrection ou ressuscité n'avait pas le même sens que nous l'utilisons aujourd'hui. Le mot ressuscité ou résurrection, c'est le mot qu'ils ont utilisé pour ce que nous tous avons fait ce matin. Quand le soleil est entré par vos vitres ou quand le sonnette a sonné ce matin, vous n'avez pas dit « Je me ressuscite ce matin ». Je n'ai pas dit « Sandy, je vis une résurrection ce matin ». Mais c'est ça la façon que le mot a été utilisé. Donc, quand les premiers chrétiens ont dit que Jésus s'est ressuscité d'entre les morts, ils ont dit « De quoi parlez-vous ? » Ça se peut qu'ils ont parlé en grec, il est fort probable qu'ils ont parlé en araméen, mais tout le monde a dit « Quoi ?» Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'ils ne parlaient pas la même langue, si vous me comprenez. Il y avait une confusion dans la façon qu'ils ont essayé de s'expliquer. Mais Jésus a préparé le terrain avec Lazare. Et l'événement avec Lazare. Et l'événement avec le petit garçon de cette femme à Néan. C'était une façon pour Jésus de préparer le terrain. De dire, Lazare, ce petit-fils, la même chose va m'arriver. Mais même les disciples ne l'ont pas catché. La confusion. Mais écoutez les autres confusions dans le texte. D'abord, il y a les soldats. OK? Les soldats qui appéraient la mort de Jésus, étaient comme, le texte dit, ils étaient comme des zombies. À un tel point où un des soldats a dit « Véritablement, cet homme est le Fils de Dieu. » Encore, de façon typique pour Matthieu, c'était les non-juifs qui ont confessé Jésus comme Seigneur avant même les disciples. Moi j'aime beaucoup ça. Les tombeaux sont ouverts et il y avait les fantômes. Des saints d'hier. Imaginez, il y avait probablement Ésaïe, Ézéchiel, Jonas, peut-être David, Moïse, qui baladaient en ville. Et j'imagine que le monde a dit, qu'est-ce qui se passe? Confusion. Ensuite, il y avait deux tremblements de terre. Chapitre 27 et le verset 51, et chapitre 28 et le verset 2, et même le temple s'est effondré, qui historiquement est validé. Mais peut-être la plus grande confusion, c'était que l'Église primitive a décidé de valider historiquement le tombeau vide par le témoignage des femmes. Contextuellement, ça, c'était une immense no-no. Ça, là, si vous voulez valider un événement, ben, écoute, voici ce que le grand historien Joseph a dit concernant la possibilité pour les femmes d'être les témoins d'un événement historique ou dans les cours de justice. De aucune femme, on ne peut permettre aucune évidence dans le cours à cause de leur lévité et la terminité de leur genre. Et qu'est-ce que l'Église primitive a dit? Nous sommes contre-culturels. Elles l'ont vu, elles l'ont authentifié, on ne va pas changer l'histoire. On va se fier sur ce qu'elles ont dit. La confusion. Maintenant, la confusion continue. Pas simplement dans le langage grec, pas simplement dans les événements, mais maintenant, on arrive et... Les Romains et les Pharisiens se sont rappelés que ce Jésus allait parler, a parlé de son vécu après la mort. Personne ne l'a cru, personne ne l'a compris. Mais tout d'un coup, une fois qu'il a été enterré, le gros pierre devant le tombeau, et probablement à l'époque, ça prenait un rocher, qui probablement pesait dans les environs de 1 ou 2 tonnes. Okay? Ce n'était pas un petit caillou. Il fallait sceller le tombeau. Mais ils se sont rappelés de ce que Jésus a dit. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir Ponce Pilate. Et ils ont dit, et vous avez vu dans le texte, le texte disait que, ils ont dit que cet imposteur, ce mot veut dire ce vagabond, cet itinérant, et ce n'était pas un compliment. Il voulait donner peut-être un avant-goût de ce qu'il allait faire. Donc, Ponce Pilate a envoyé, le texte dit, une garde. 16 soldats. Donc, 4 par 4, qu'ils allaient faire les shifts. OK? 4, ils ont fait 3 heures, repos, une autre 4. De cette façon, aucun soldat pouvait être trop fatigué pour garder le tombeau. Mais pas simplement une garde, ils ont envoyé le sceau du César pour sceller le tombeau. La confusion. Mais au milieu de ce tombeau et de cette confusion, une fois que ce rocher de 2 tonnes est déplacé et tout d'un coup le cadavre n'est plus là, maintenant, les soldats arrivent au péril des autorités romaines. Et maintenant, il y a un pot de vin. Un échange en dessous de la table. La confusion. Mais ce que je trouve intéressant selon Matthieu, les pharisiens et les Romains ont décidé de sceller le tombeau. Ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Oh, OK, on ne pouvait pas sceller le tombeau, mais maintenant, on va sceller nos lèvres. La confusion dans le texte. Donc, lorsqu'on arrive aujourd'hui, nous comprenons que la confusion aujourd'hui fait partie de la confusion qui existe même depuis les textes. Mais Dieu merci. L'histoire n'est pas simplement une histoire de confusion, mais c'est une histoire d'éclaircissement, de clarté, d'illumination. Et regardez comment il y a la clarté, un éclaircissement, une illumination dans le texte. Commençons tout d'abord avec les versets 1 à 7. Maintenant, il y a 2 témoins, 2 groupes de femmes qui arrivent. Mais ce n'est pas n'importe quelle 2 femmes. C'est 2 femmes qui ont des noms. Pourquoi? Ben, c'est évident. On arrive 3 semaines plus tard, où la confusion règne. Les pharisiens, leurs lèvres sont scellées. Les Romains ne voulaient pas en parler. Et moi, j'arrive comme un simple citoyen à Jérusalem. Et je dis, ben voyons donc, ressuscité d'entre les morts, de quoi s'agit-elle? Et Martin peut dire, Glenn, viens, on va parler à Marie, elle va te raconter ce qu'elle a vu. Donc, il fallait des témoins avec les noms pour valider les choses. Les 2 se sont venus, selon Marc, pour embaumer Jésus. Pour ainsi dire, le cadavre est maintenant tout enveloppé dans le tombeau. Et n'oubliez pas, c'est pas nos tombeaux creusés, c'est les tombeaux dans les collines. Et ils sont arrivés avec les huiles, avec les espices pour embaumer. Mais maintenant, le tombeau est vide. Et mes amis, c'est ce tombeau vide qui est l'événement le plus important. Parce qu'avec le tombeau vide, il faut poser la question, où est le cadavre? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur la résurrection de Jésus-Christ. Mais à un moment donné, il faut toujours revenir avec ce fait historique, validé depuis plus que 2000 ans. Le tombeau qui a été scellé, gardé, protégé par les autorités romaines. Ce tombeau est maintenant vide. Where's the body? Ça, c'est la question. Et Jésus dit quelque chose. Jésus arrive devant ces deux dames. Mais la confusion commence d'être démêlée par cet événement historique important. Le tombeau est vide. Qui nous amène maintenant dans le prochain paragraphe dans le texte, qui est les versets 8 à 11. Maintenant, les deux femmes qui sont allées, ils ont vu que le cadavre n'est plus là. Where's the body? Et tout d'un coup, ils rencontrent Jésus. Et Jésus, maintenant, n'est plus un cadavre. Mais n'oubliez pas, Jésus, enterré, enlevé, n'est pas simplement un esprit. Ce n'est pas simplement un fantôme. N'est pas simplement une idée, une métaphore, un symbole. Il a repris vie dans son corps exalté. Et nous savons qu'il a dû manger, qu'il était capable de parler, qu'il a pensé, qu'il raisonnait, qu'il passait du temps avec les gens. Il était comme vous et moi. Et mes amis, ça c'est incroyable. Ça c'était avec l'exception de Lazare et le petit gamin de Nain, jamais vu. Même quand Jésus, Jean, André et Pierre ont rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, ce n'étaient pas des êtres humains dans les corps. Ceci, c'était radical, révolutionnaire, du jamais vu. Et ces madames parlent avec Jésus. Et maintenant, les femmes informent les hommes. Et les hommes ont cru à cause des femmes. Et encore, le texte est très contre-culturel. Une autre raison pour y croire. Personne, juive, romaine, grecque, à cette époque-là, aurait pensé de monter une histoire comme ça. Parce que c'est incompréhensible. Si vous voulez convaincre quelqu'un de quelque chose, au moins vous allez essayer de façonner l'histoire pour que ça soit au moins croyable. Cette histoire est tellement contre-culturelle qu'à mon avis, ça pérennise l'authenticité de l'histoire pour le monter. Et maintenant, les disciples écoutent les dames. Et maintenant, le tombeau est vide. vérifié, authentifié. Mais maintenant, le cadavre n'est plus un cadavre. C'est une personne, un individu comme vous et moi, qui a repris vie dans son corps. Qui nous amène à cette histoire de le pot de vin, que moi je trouve fascinant. Le pot de vin, c'était très simple. Il fallait monter une histoire. Et l'histoire qu'ils ont montée, c'est que les 11 disciples, parce que maintenant le 12e, il s'est déjà suicidé, que les 11 étaient capables de reprendre sur 16 soldats et 11 pêcheurs. OK? C'était pas des musulmans de l'époque. OK? C'était des gens de Galilée, des simples pêcheurs. Et maintenant, l'histoire montée, c'est que ces 11 étaient capables de vaincre 16 soldats, les endormir tous, de quelle façon? Ensuite, ensemble, de débloquer un rocher de 12 tonnes, de prendre le corps et de le cacher jusqu'à le 4 avril 2010. Franchement, à mon avis, ça prend beaucoup plus de foi de croire dans le coup monté que de croire l'histoire. Mais ils ont acheté le silence. Et, mes amis, à cause de la confusion, moi, je connais les gens qui croient cette histoire plutôt que la vraie histoire. Et ils vont dire, le corps a été volé, personne ne l'a trouvé. Et peut-être la chose la plus importante à retenir, que sur les 11, 400 morts comme martyrs. Et ce matin, je suis ici pour vous dire que si moi j'étais un des 11, et que moi, j'avais caché le corps, et que j'avais pris le temps de promener dans l'Empire romain pour raconter une histoire fausse, parce que je savais que le corps est caché. Et tout d'un coup, les autorités me prennent comme ils ont pris Pierre, et ils l'ont crucifié à l'envers. Moi, je pense que j'aurais dit, « Time out. Je sais où se trouve le cadavre. Entre cacher l'histoire du cadavre et de mourir à l'envers sur une croix. Moi, je dirais, venez avec moi, je vais vous montrer le cadavre. Okay? Je sauverai ma peau. Mais ils étaient de mourir comme des martyrs pour quelque chose qu'ils ont cru. Qui nous amène maintenant à la conclusion. Où nous avons le plus grand éclaircissement. Parce que Jésus a apparu aux 11, minimum 11, probablement il y en avait d'autres, probablement les femmes. Peut-être même jusqu'à le groupe de 120. Et on est dans la dernière section, des versets 16 à 20 maintenant. Jésus leur a dit, « Après ma mort, allez en Galilée, retournons chez nous, à Capernaum probablement, et je vais vous en parler. » Ils n'ont pas cru, mais finalement maintenant, ils se trouvent en Galilée. Et Jésus est avec eux. Et maintenant, Jésus leur dit. Et il le dit très clairement, Michel nous en a parlé ce matin. Il a dit, en allant, maintenant à partir d'aujourd'hui, en allant, faites des autres de ce que moi je vous ai fait, les disciples. Parce que Jésus a bien compris qu'avec son apparition, Maintenant, il faut donner un mandat pour perpétuer le mouvement, pour continuer l'histoire. Il a dit, faites des disciples. Voici le mot préféré de Matthieu. 28% des fois dans le Nouveau Testament que ce mot disciple est utilisé, c'est Matthieu qui l'utilise. Moi, j'aime dire, il avait la part du marché sur le mot. Parce que pour Matthieu, un disciple, c'est le mot clé. Luc, lui, il utilisait le mot chrétien. Matthieu ne l'a jamais utilisé. Quelqu'un qui est avec le maître, cette personne est une apprentie, un élève, un apprenant, un disciple. Et Jésus dit, faites des autres comme moi je vous ai fait, des apprentis. Et qu'est-ce que fait une apprentie? Jésus dit, il faut me suivre. Et je vous ai donné le contenu. Je vous ai enseigné. C'est quoi la base? C'est quoi le fondement? C'est quoi le contenu de cette suivance, de cette vie de disciple? C'est partout en Matthieu. Et Jésus donne tout cela à ce moment ici. Parce que Jésus ne voulait pas que l'histoire arrête avec la résurrection. Il voulait que l'histoire recommence. Et la résurrection, c'est... Qu'est-ce qui garde la porte sur le cadre? La charnière. Et mes amis, ce texte ici, c'est la charnière. Mais pas simplement de ce récit, mais de l'histoire. Parce qu'avec la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, la confusion a donné lieu à un éclaircissement, à une illumination. Et maintenant, Dieu en Jésus-Christ a recommencé l'histoire de l'humanité. Et il voulait que la formation d'autres, de perpétuer, de multiplier le mouvement, il fallait commencer de ce moment ici. Donc, la confusion a donné lieu à une nouvelle époque dans l'histoire de l'humanité. Les choses ne sont plus pareilles. La confusion est rasée. Et maintenant, on peut voir clairement que le tombeau vide, le cadavre est une personne, et ceux qui suivent cette personne ressuscitée sont invités de participer dans la nouvelle histoire de Dieu pour le monde. Maintenant, une dernière chose. Prenez le texte. Je reviens à cette petite conjonction dont je vous en ai parlé. En Matthieu, il utilise ce petit mot 72 fois. Beaucoup plus que n'importe quel autre auteur dans le Nouveau Testament. Et regardez, 6 fois juste dans ce texte. Regardez, chapitre 28 et le verset 2. Dans mon édition, ça dit, « Tout à coup, voici qu'il y a eu un tremblement. » Et le « tout à coup », ça c'est la façon que ces éditeurs ont traduit cette conjonction. Continuez, verset 7. « Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. » Et voici, la deuxième fois, même verset à la fin du texte. « Voilà !» OK, même mot. Verset 9. « Et voici qu'à tout à coup », ça c'est le quatrième fois. Verset 11, c'est même pas traduit dans mon édition. « Pendant qu'ils étaient en chemin », la cinquième fois que cette conjonction est utilisée. Et maintenant, on arrive au verset 28, où nous avons le sixième fois. Quand moi je vois cette petite conjonction, qui est très difficile de traduire dans une langue autre que le grec, moi j'ai décidé qu'en français, peut-être la meilleure façon de le traduire, C'est par... Ben voyons donc. Ou... Ben ça n'a pas d'allure. Ou ça n'a aucun bon sens. Ou vous n'allez jamais deviner le suivant. Et cette histoire est tellement incroyable que Matthieu a pris cette conjonction non-temporelle qui n'indique pas quelque chose de ce monde comme une conjonction quand ou donc ou pendant. Il a opté pour une autre conjonction où il faut lire le texte. Ben voyons donc. OK? Donc... Reprenez le texte, OK? Verset premier. Après le sabbat, comme le jour commençait à pondre, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir le tombeau. Ben voyons donc. Voici qu'il y a eu un autre violent tremblement de terre. OK? Verset 7. Puis allez vite annoncer aux disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Ben voyons donc. Il vous précède en Galilée. Et là, vous le verrez. Ça n'a aucun bon sens. Je vous ai déjà dit cela. Verset 9. Et voici que... Ben, ça n'a pas de bon sens. Jésus va à leur rencontre et leur dit, « Salut! Vous comprenez ce que Matthieu, il a dû tellement démêler la confusion qu'il a mis cette conjonction. C'est un peu comme un feu clignotant dans le texte. J'aimerais avoir votre attention. Maintenant, on arrive à la fin du texte. En allant, faites de toutes les nations des disciples, en leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, baptisant-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'a aucun bon sens, mais je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et mes amis, ça n'a qu'un bon sens. Ça n'a pas d'allure. Mais ce tombeau vide n'est plus un cadavre, mais c'est une personne qui a assumé, repris vie dans un corps. 40 jours plus tard, il est monté en haut. 10 jours après ça, il a envoyé son Saint-Esprit. Vous n'allez jamais deviner, mais il est avec nous. Le 4 avril 2010, à midi moins 20, la confusion est finie. Donc, ben voyons donc. Quoi faire avec cette histoire? Dans mes notes, moi j'ai marqué 3 choses. Peut-être il y a les gens qui sont venus ce matin parce que qu'est-ce que font les bons Québécois le dimanche de Pâques? On va à l'église. Ça fait partie de notre tradition. Mais peut-être vous n'avez jamais eu cette expérience de connaître personnellement ce Jésus. Pas le Jésus, le petit Jésus de Noël. Pas le Jésus qui se trouve sur les crucifixes partout dans notre société. Mais ce Jésus ressuscité d'entre les morts. Et peut-être vous n'avez jamais eu l'occasion de connaître personnellement ce Jésus. Ben, je vous invite de le considérer aujourd'hui. Parce que ce n'est pas simplement une histoire. Oui, c'est une histoire et c'est l'histoire. Mais lui, il veut nous connaître personnellement. Et je vous invite ce matin de considérer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une relation avec celui qui a été enterré, qui a laissé le tombeau vide et qui est vivant aujourd'hui. Il veut vous connaître. vous voulez le discuter, venez me voir après. Venez voir Michel. Nous sommes très ouverts de discuter. Qu'est-ce que ça veut dire de connaître personnellement ce Jésus? Pour nous qui avons déjà décidé de suivre ce Jésus ressuscité, de suivre Jésus veut dire de s'impliquer dans l'histoire et de prendre le mandat sérieusement et de nous d'être actif dans sa mission, qui est une mission d'aider les autres, d'être comme on est, ceux et celles qui suivent Jésus. La résurrection est aussi un mandat. Mais une dernière chose que j'ai écrit ici dans mes notes, c'est incroyable. L'histoire a changé avec la résurrection. On est maintenant dans une nouvelle époque. On est dans l'époque du règne de Dieu. Et Dieu nous invite tous d'être impliqués dans son règne. Donc, mes amis, ça change la façon qu'on voit les autres. Ça change la façon que je me vois. Ça change la façon que je vois ma ville. Je ne peux plus vivre avec la discrimination, avec la pauvreté, avec l'écart entre les hommes et les femmes, les riches et les pauvres. L'histoire a changé et la résurrection change tout. Je ne peux plus vivre comme autrefois. On est dans une nouvelle époque. Et pour nous qui avons décidé de suivre Jésus, nous sommes dans une nouvelle époque à cause de la résurrection. Donc, ce dimanche de Pâques, la confusion, oui, elle continue. Mais dans ce récit, la confusion est démêlée. Et le tombeau est vide. Le cadavre est une personne ressuscitée. Et cette personne qui a repris vie dans son corps, il veut avoir une relation personnelle avec nous. Et il veut nous impliquer dans sa mission. Comme je dis, ça n'a aucun bon sens. Mais c'est vrai. Prions. Dieu, l'Éternel de toute éternité, nous sommes abasourdis par tes projets et par la façon que toi tu as décidé de refaire l'histoire de cette façon-là. C'est incroyable. Mais nous mettons notre confiance en toi, le Créateur de la nouvelle vie. Et merci pour Jésus qui a repris vie dans son corps et qui est maintenant présent parmi nous par son esprit. Merci que tu es avec nous jusqu'à la fin de nos jours et de la fin de cette époque. Et merci que tu nous invites dans ton histoire. Et je prie pour mes sœurs et mes frères ce matin. Accompagne-nous pour que nous puissions être les artisans de cette nouvelle histoire. Que toi, tu reçois toute la gloire et toute l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.